的假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎收听魅力演奏厅，我是古月。今天和你分享的是1997年柏林除夕音乐会开门之夜的现场录音，由阿巴托指挥柏林爱乐乐团演奏，演出的曲目包括歌剧《开门》当中的著名咏叹调、合唱、前奏曲，以及根据歌剧《开门》的主要旋律改编的小提琴与乐队作品《开门主题幻想曲》等。下面请连续欣赏。 c'est une même pas je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, le cirque plein du automat. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, puis étapage, poussé jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Alors, on garde, alors, alors, alors, toréador en garde, toréador, toréador, du songe bien, oui, songe en combattant qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, corps et adore. L'amour, l'amour t'attend. On fait silence, quoi que se passe-t-il? Une crie s'élançant, le taureau s'élance en bondissant, hors du toril. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant un picador. Ah, bravo taureau, hurle la foule. Il vient, et frappe encore. En se courant, se bat de rire, plein de fureur, il court, le cirque plein de sang. Oh, ce saut, oh, fraîchit le grille, c'est pas tout maintenant. Allons, on garde, allons. En garde, toréador, songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Et sur cette étrange musique, les cigarelles la soleil. Grâce et soudain, mes obstinés, mes chansons, même le froid, mes chansons, mes refrains. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Odeur de

Thank you. Thank you.

Thank you. 在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎继续收听魅力演奏厅，接下来为您带出的是1994年意大利歌唱家帕瓦罗蒂在他的家乡罗德纳举办的帕瓦罗蒂与他的朋友们慈善音乐会的现场录音。

testa in cielo e notte mezzo mare. Mille finestre sciurano lontane. Luce una sola ancora, amore mio c'è sta. Un luogo ma lassa tutte sere connovata e me saluta alle trema voce notte che pace dà notte che fa Oh! giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca farà già una festa. Che bella cosa una giornata sole, ma una thank you.

mezza rifiora e là fuggevo, fuggevo l'ora s'inebria voluta. Le bianche dolce fremete che suscita l'amore, poiché che l'occhio al cuore onnipotente. Può godere